Ghislaine, quatrième partie, chapitre 1. Le jour où Ghislaine reçut cette lettre, elle avait passé une partie de la matinée au pavillon du garde, car depuis l'entretien qui avait définitivement fixé le sort de Claude, elle montrait beaucoup plus librement qu'avant sa tendresse pour sa fille. N'avait-elle pas l'autorisation de son mari? Et à l'avance, n'était-elle pas certaine que quoi qu'elle fît, il ne s'en inquiéterait pas? Maintenant, elle ne prenait plus des prétextes pour l'aller voir. Et franchement, elle disait « Je vais près de Claude ». Arrivée chez le garde, elle ne se cachait plus pour laisser paraître son affection. Et franchement aussi, elle embrassait sa fille. Le plus souvent, elle l'emmenait dans le parc, et quand elles étaient assises en tête à tête, à l'abri de la curiosité des enfants d'Agomère ou des passants, elle la faisait causer en l'interrogeant doucement. Ce n'était point sur de graves sujets qu'elle la mettait, mais simplement sur ceux où, pouvant forcer par d'adroites questions sa réserve, toujours un peu craintive, elle la menait à se livrer. N'était-ce pas cela qui touchait son cœur de mère? Savoir ce qu'était cet enfant qu'elle n'avait pas toujours près d'elle, et qu'une observation constante, dans les choses importantes comme dans les riens, dans la joie comme dans le chagrin, la bonne humeur ou la colère, ne pouvait pas lui faire connaître à fond avec sa vraie nature. Et c'était cette vraie nature qui l'intéressait, qui l'inquiétait. Par où tenait-elle de son père? Par où s'en éloignait-elle? Sous cette main douce et caressante, le cœur de Claude s'ouvrait. Avec un abandon plein de confiance, elle bavardait, disant tout ce qui lui passait par la tête, tout ce qu'elle avait dans l'esprit. D'un mot, Ghislaine la redressait, la soutenait, et par des histoires qu'elle arrangeait, par des exemples, la conduisait où elle voulait qu'elle allât. Quelquefois aussi, il était question des leçons, c'est-à-dire que Claude en parlait, car Ghislaine, qui connaissait la susceptibilité de Lady Cappadoce, veillait à ne pas donner à son ancienne gouvernante des sujets d'inquiétude. « Ah, si Lady Cappadoce m'expliquait les choses comme vous, » disait Claude. « Lady Cappadoce est une maîtresse. Et vous? Moi, cher enfant, moi, je n'en suis pas une. » Et Ghislaine était obligée de s'arrêter, car le mot qui lui montait du cœur, elle ne pourrait jamais le prononcer, et il ne fallait pas que par une imprudence, par un entraînement, elle permît à Claude de le prononcer elle-même, sinon en ce moment, au moins plus tard. On ne parlait pas toujours. Il y avait aussi des moments de silence et de recueillement où elle restait les yeux dans les yeux. Alors Ghislaine attirait Claude contre elle, et de son bras elle l'enveloppait doucement. C'était à Chambray que Nicétas avait adressé sa lettre, et il avait calculé qu'à l'heure où Ghislaine la recevrait, M. Dunière devrait être à la chambre, ce qui serait parfait car elle serait troublée, et pour le succès de sa combinaison, il ne fallait pas qu'elle trahît une trop vive émotion devant son mari. Mais ce calcul se trouva faux. Au lieu d'aller à la chambre, le comte était resté au château pour préparer un discours important qu'il devait prononcer le lendemain. Et après le déjeuner, il s'était installé dans la bibliothèque avec sa femme près de lui, comme toujours lorsqu'il travaillait. N'était-elle pas son inspiration et sa conscience? Il trouvait plus vite lorsqu'elle était là, et il n'était sûr d'un effet ou d'un argument que lorsqu'après discussion, elle l'avait approuvé. Le domestique qui recevait le courrier en faisait le tri, mettant dans une corbeille ce qui était pour le comte et sur un plateau les lettres à l'adresse de la comtesse. Quand il entra dans la bibliothèque, le comte, qui était devant une grande table couverte de volumes du journal officiel, n'interrompit point son travail. Mais Ghislaine, assise à un petit bureau dans la brasure d'une fenêtre, posa le livre qu'elle lisait et commença à ouvrir les lettres. Bien qu'elle sût à l'avance à peu près ce qu'elle contenait, et justement même parce qu'elle savait qu'elles étaient des demandes de secours, il fallait qu'elle les lût tout de suite pour y répondre sans retard, ou pour faire faire les recherches auxquelles elles donnaient lieu. Elles étaient ce jour-là nombreuses, et déjà elle en avait lu plusieurs lorsqu'elle ouvrit celle de Nicétas. « Je rentre en France et trouve ma fille qui est aussi la vôtre. » Elle n'alla pas plus loin. Un voile avait passé devant ses yeux. Son cœur s'était arrêté. Heureusement, la lettre était posée sur le bureau, sans quoi elle serait tombée, ou elle aurait été secouée de telle sorte dans sa main tremblante que l'attention du comte eût été provoquée. Lui, depuis 11 ans, elle l'attendait. Mais les angoisses des premières années, toujours vaines, avaient fini par lui donner une sorte de confiance. Si elle devait l'attendre, N'était-il pas permis d'espérer qu'il ne reviendrait point? 12 années s'étaient écoulées sans qu'il reparût. N'y avait-il pas des chances pour que d'autres s'écoulassent encore? Quel droit avait-il sur elle d'ailleurs, et sur Claude dont il ne connaissait même pas l'existence? Elle fit un effort pour ne pas s'abandonner, et la tête basse à la dérobée, rapidement, elle jeta un coup d'œil du côté de son mari. Absorbé dans son travail, il n'avait rien remarqué, et penché sur sa table, il continuait à prendre des notes. Sa plume en écrivant craquait avec un bruit régulier. Elle était comme paralysée de corps et d'esprit. Quelle contenance tenir? Que faire? Elle ne savait, et même elle était incapable de se poser une question raisonnable. La lettre restait ouverte sur le bureau, sans qu'elle osât même la faire disparaître. Et cependant, elle sentait vaguement que son mari pouvait se lever, venir à elle comme il le faisait à chaque instant, et machinalement, sans intention, laisser tomber son regard sur cette feuille de papier où le mot « votre fille » flamboyait, croyait-elle, se détachant en caractère d'affiche. Dans leur étroite intimité, ils n'avaient pas de secret l'un pour l'autre. Et si monsieur ouvrait ses lettres, si madame ouvrait les siennes, en réalité, elles étaient les unes et les autres pour monsieur aussi bien que pour madame aussi bien que pour monsieur. Il semblait, autant qu'elle pouvait avoir une idée, que la première chose à faire était de cacher cette lettre. Mais comment? Dans les circonstances ordinaires, rien n'eût été plus simple que d'ouvrir un tiroir du bureau et de la mettre dedans. Elle n'osait pas. La glisser dans sa poche? Elle n'osait pas non plus, s'imaginant que le froissement du papier allait crier sa honte. Et la terrible feuille était devant ses yeux, hypnotisante. Comme elle allait se remettre à lire, elle sentit que son mari se tournait vers elle. Alors elle le regarda. Il ne s'était point levé et ne paraissait pas disposé à quitter son travail. « Te rappelles-tu la date de mon discours à propos de l'ordre du jour Bunou-Bunou ?»« L'ordre du jour Bunou-Bunou. » Dans toute autre circonstance, elle eût donné la date de jour, de mois, d'année. Mais en ce moment, comment réfléchir, chercher, se rappeler? Et cependant, elle devait répondre sans que sa voix trahît son bouleversement. « À peu près 3 ans, il me semble. »« 3 ans ? Dis plutôt 7 ans. Comment ta mémoire si ferme peut-elle se tromper de tant d'années ?»« Sans doute, je fais une confusion. Ne cherche pas, je vais vérifier. » Quittant sa table, il passa dans une pièce voisine qui servait d'annexe à la bibliothèque. Alors elle se jeta sur la lettre et d'un coup d'œil la lut, puis vivement elle la mit dans sa poche. Il n'était que temps, le comte rentrait, il vint à elle. « Je te fais mes excuses, dit-il, tu étais plus près que moi de la vérité, il y a 4 ans. » Comme elle avait ordinairement le triomphe modeste, il ne s'étonna pas qu'elle ne répondît point, et tranquillement il retourna à son travail. Il fallait qu'elle prît un parti. Et tout de suite, puisque c'était pour le lendemain même qu'il fixait son rendez-vous. S'attendant depuis son mariage à le voir surgir d'un moment à l'autre, elle avait bien des fois examiné la question de sa défense. Elle s'était toujours dit qu'alors, elle devrait avoir recours à cette arme dont son oncle lui avait parlé avant de mourir. Quelle était cette arme? Elle ne le savait pas au juste. Une lettre sans doute qui lui fermerait la bouche s'il voulait parler. Mais quelle qu'elle fût, elle devait être efficace, puisque son oncle lui avait recommandé d'en faire usage. Il fallait donc qu'avant tout, elle la réclamât au notaire chez qui elle était déposée, et que tout de suite elle allât à Paris. Bien qu'il fût scrupuleusement observé qu'elle restât auprès de son mari quand il travaillait, elle n'hésita pas. N'était-ce pas son honneur et son repos, le bonheur de l'homme qu'elle aimait, la vie même de sa fille qui se trouvait en jeu? « Si tu ne t'y opposes pas, dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait d'affermir, je partirai pour Paris. » Il fut stupéfait. « Comme ça, tout de suite ?» Il fallait qu'elle donnât une raison, bien qu'il ne lui en demandât pas, et que pour la première fois elle ne fût pas franche. Parmi ces lettres, il s'en trouve une qui exige une solution immédiate. « Tu seras longtemps ?» Strictement ce qu'il faut pour aller et revenir. Il sonna et commanda d'atteler. « Certainement tu me retrouveras au travail, dit-il, car ça ne va pas aller, et je suis sûr que demain, à la chambre, tu sentiras toi-même que ton aide m'a manqué. » Il voulut la mettre lui-même en voiture, et la portière fermée, il recommanda au cocher de marcher rondement. À 3 heures, les chevaux, blancs d'écume, s'arrêtaient devant les panonceaux de Monsieur le Jeuneste de la Crochardière, et Ghislaine entrait dans l'étude. C'était la première fois qu'elle venait chez son notaire.

L'homme qui traversait la cour, marchant sans se presser vers le perron, était bien de grande taille, mais il était gras, ou plutôt bouffi de visage comme de corps, les cheveux étaient courts, les joues et le menton rasés, enfin le vêtement usé, composé d'un pantalon noir, d'un veston jaunâtre et d'un chapeau melon, annonçait sûrement quelque pauvre diable qui venait demander un secours. Cependant, le pauvre diable était arrivé au perron, et à la porte du vestibule, il avait trouvé Auguste de service ce jour-là. « Tiens, c'est vous ?» dit celui-ci en reconnaissant son journaliste américain. « Vous n'avez pas de chance, madame la comtesse n'a pas été à Paris. Je ne peux pas vous montrer le château. » »« Je lui ai écrit. Veuillez lui remettre cette lettre. » Et sans paraître le moins du monde embarrassé, Nicétas lui tendit un petit billet qu'il venait d'écrire à l'auberge du château. « Mais je ne sais... Allez donc, elle me recevra, je vous le promets. » Quand Ghislaine vit sur ce billet la même écriture que celle de la demande de rendez-vous, elle se rassura. S'il écrivait au lieu de venir, c'est qu'il n'osait pas se présenter, et à la pensée de ne pas le voir, son cœur se desserra. Sans doute ce pauvre diable était un commissionnaire. Elle avait ouvert le billet. « Je pense que vous ne m'obligerez pas à forcer votre porte. Donnez donc l'ordre que je sois admis près de vous. » Nicétas. C'était lui. Elle eut une seconde d'anéantissement. Lui, ce pauvre diable, arrivé à ce point de misère et de cynisme, de quoi ne serait-il pas capable? Cependant, le plateau à la main, le valet attendait devant elle, la regardant à la dérobée, en se demandant quelle pouvait être la cause de ce bouleversement, dans une physionomie qui n'avait jamais exprimé que le calme et la sérénité. Il fallait qu'elle se contînt et prit un parti. « Faites entrer, » dit-elle. Et pendant le court espace de temps que le valet mettait à traverser les deux salons, elle tâcha de se donner une contenance. Comme il allait ouvrir la porte du vestibule, elle le rappela. « Vous ne quitterez pas le vestibule. » Cette recommandation insolite pouvait surprendre ce domestique, mais elle n'était pas en situation de s'arrêter devant une considération de ce genre. Avant tout, elle devait assurer sa sécurité. Comment se défendre si elle était paralysée par la peur d'une surprise? Ce fut lentement que Nicétas traversa les deux salons pour venir jusqu'à elle. Alors, l'examinant, elle le retrouva. Mais combien changé, vieilli, ravagé. Lorsqu'il fut à quelques pas, elle l'arrêta d'un mot. « Que voulez-vous, monsieur ?»« Je vous l'ai écrit, vous entretenir de ma fille, de notre fille. »« C'est de la jeune fille élevée chez notre garde que vous parlez ?» « Précisément. » Il prit une chaise et s'assit. « D'elle-même. Par quelle combinaison êtes-vous arrivé à trouver que cet enfant est votre fille ?»« Et la vôtre. Cela serait bien long à raconter. Mais un mot suffit. C'est vous-même qui avez reconnu cet enfant pour ma fille et pour la vôtre. »« Moi ? Pas par un acte authentique, bien entendu, puisqu'on vous a fait prendre toutes sortes de précautions qu'on croyait habiles pour échapper à cette reconnaissance, mais par un fait. » En me recevant ici, est-ce que si cet enfant ne vous était rien et ne m'était rien, vous m'auriez reçu après la lettre que je vous ai écrite et aussi après ce qui s'est passé entre nous il y a 12 ans, pour que vous ayez fait taire les sentiments d'indignation que vos yeux trahissent malgré vous en rencontrant les miens, il fallait une raison toute puissante qui emportait tout, répulsion, mépris, horreur, haine, et cette raison se trouve dans l'intérêt que vous portez à cet enfant. Vous avez peur pour elle. Vous voulez la défendre. » Il s'arrêta pour juger de l'effet qu'il avait produit, et en la voyant devant lui, il eut lieu d'être satisfait. Elle était atterrée. Il continua. « L'ordre de m'introduire près de vous était un aveu, et si j'avais eu besoin qu'une nouvelle preuve s'ajoutât à toutes celles que j'ai déjà pu réunir, vous me la donneriez en ce moment. Mais rassurez-vous, je n'en avais pas besoin. J'ai en main toutes les pièces nécessaires pour affirmer mes droits sur ma fille. » « Et ces pièces ? » demanda-t-elle en essayant de se défendre. « Je les produirai si vous m'y obligez, mais j'espère que nous n'en viendrons pas à cette extrémité. En effet, je n'ai qu'un but, assurer l'avenir de ma fille, et il me semble que vous ne pouvez pas ne pas vous associer à moi. Cet avenir a été assuré. Vous voulez parler du testament de M. de Chambray ? Je suis, je l'avoue, surpris que vous considériez l'avenir d'un enfant assuré par la donation d'une somme d'argent. Il y a autre chose que l'argent dans la vie d'un enfant. » Il dit cela avec une grandeur qui devait toucher Ghislaine. Il y a l'éducation, il y a les sentiments qui dirigent cette éducation, il y a l'affection maternelle ou paternelle, il y a le milieu dans lequel l'enfant est élevé. Si Claude a la fortune, a-t-elle cette éducation dont je parle? A-t-elle cette affection maternelle? Est-elle dans un milieu digne d'elle? Élevée chez le garde, ayant pour camarades, pour frères et sœurs, des enfants grossiers, de vrais paysans. Elle devait entrer au couvent. C'est le médecin qui a ordonné qu'elle vive en paysanne. À la campagne, je l'admets, mais en paysanne, en fille de garde-chasse, c'est autre chose. Si de votre mariage vous aviez une fille de 11 ans, la feriez-vous élever par un garde sous prétexte que les médecins ordonnent qu'elle vive en paysanne? Non, n'est-ce pas? Eh bien, pour n'être pas née de votre mariage, Claude n'en est pas moins votre fille. Et puisque vous l'oubliez, mon devoir est de vous le rappeler. Pour mon malheur, je sais par expérience ce que c'est que d'être élevée dans une maison étrangère. Je ne veux pas que ma fille souffre ce qu'a souffert son père, et que l'absence d'une direction affectueuse, ferme et douce à la fois, fasse d'elle ce qu'elle a fait de moi. Ghislaine écoutait stupéfaite. Était-il possible que ce langage fût sincère? C'était lui qui parlait de devoir, d'affection, de dignité, de fierté? Où voulait-il en venir? Qui se cachait derrière cet étalage de tendresse et de sollicitude pour une enfant qu'il ne connaissait pas? Son premier mouvement avait été de répondre lorsqu'il avait invoqué l'affection maternelle. Mais n'était-ce pas là un piège dans lequel elle ne devait pas tomber? Un autre aveu plus précis que ceux sur lesquels il s'appuyait déjà, ne serait-ce pas se défendre d'ailleurs? Mais enfin, que demandez-vous? Dit-elle. C'est bien simple, répondit-il. Ou Claude occupera près de vous, dans votre maison, la place à laquelle elle a droit par sa naissance, ou je la prends près de moi. Vous la prenez? Ce cri qui lui avait échappé la trahissait par l'intensité de son émoi. Elle voulut l'atténuer en l'expliquant. Et comment prenez-vous un enfant qui n'est rien pour vous et pour qui vous n'avez jamais rien été? En la reconnaissant pour ma fille par un acte authentique. C'est impossible. Permettez-moi de ne pas m'incliner devant vos connaissances juridiques. C'est au contraire parfaitement possible, et même très facile. Pour contester cette reconnaissance, si telle était votre intention, il faudrait que vous eussiez un état civil en règle à m'opposer, avec indication du père et de la mère, et je ne crois pas que ce soit votre cas. Les précautions que vous avez prises pour cacher la naissance de l'enfant disent le contraire. Cependant, si je me trompe, vous n'avez qu'à produire cet acte de naissance, et je me reconnais battue. Mais vous ne le produirez point, n'est-ce pas? Il attendit un moment, et comme elle ne répondait pas, il poursuivit. Chez vous, elle trouve une existence brillante, riche, et aussi, je l'espère, heureuse par les soins et la tendresse de sa mère. Près de moi, elle n'est associée qu'à une vie de travail et de lutte, mais elle est aimée, passionnément aimée par un père qui n'a pas d'autre affection. Sous une tendre direction, son cœur se forme en même temps que son esprit, et comme elle est la légataire de M. de Chambray, elle ne souffre pas de ma pauvreté. À ce mot, elle l'interrompit. « Vous avez été mal renseignée. Elle n'est pas légataire de M. de Chambray ?»« Elle l'est, mais mon oncle, dans une pensée de prévoyance dont je n'ai compris toute la sagesse qu'à l'instant même, a mis une condition à son legs, qui est que Claude ne jouira de sa fortune qu'à sa majorité ou à son mariage. » Si Nécétas fut touché, il ne fut pas trop surpris, puisque c'était la réalisation de ce que Caffi avait prévu. Décidément, il était le malin qu'il avait dit, le vieux crocodile. « Eh bien, reprit-il, s'il en est ainsi, elle travaillera pour son père, comme son père travaillera pour elle. À deux, on est fort. Je l'ai entendu chanter une chanson de paysan. Elle a la voix d'une justesse extraordinaire et le sentiment de la mesure. J'en ferai une excellente musicienne. Dans 5 ans, elle sera en état de donner des leçons, et par conséquent, de 16 à 20 ans, elle pourra m'aider si j'ai besoin d'elle. Vous voyez donc qu'alors même que je n'obéirai pas à un sentiment d'affection paternelle et à la voix du devoir, j'aurai tout intérêt à prendre Claude avec moi et à la reconnaître pour ma fille. À 16 ans, elle gagnera sa vie largement. À 21 ans, elle jouira de sa fortune. Enfin, si la fatalité et l'injuste providence qui n'ont cessé de me poursuivre me l'enlevaient, j'hériterai d'elle. « Est-ce donc là votre calcul ? » s'écria-t-elle avec horreur. Il est vrai qu'il y a des pères qui font mourir leurs enfants pour en hériter, mais rassurez-vous, si dur que je sois devenu sous les coups du sort, je ne suis pas cependant un de ces pères, et la preuve c'est que je suis prête à renoncer à tous les avantages qu'il y aurait pour moi à reconnaître Claude, avantages moraux aussi bien que matériels, si vous vous engagez à la prendre près de vous dans cette maison et à la traiter comme votre fille.

Chapitre 5. Quelle somme était-ce que 50 000 francs? Grosse? Petite? Suffisante ou insuffisante pour exciter des convoitises et satisfaire des appétits? C'était ce que Ghislaine se demandait, se trouvant à l'égard de l'argent dans l'ignorance de ceux qui, ayant toujours été riches, connaissent mal sa valeur. Que représentait 50 000 francs pour Nicétas? Au temps où il donnait des leçons et où il gagnait 400 francs par mois pour venir 2 jours par semaine à Chambray, ils eussent été certainement une fortune pour lui, le paiement de 10 années de travail. Mais maintenant, à la vérité, si l'on s'en tenait à l'apparence et à la tenue, on pouvait croire qu'ils en seraient une bien plus tentante encore, puisqu'ils le tireraient de la misère. Mais était-il l'homme du temps des leçons, et ces 12 années de misère ne lui avaient-elles pas donné d'autres besoins et d'autres exigences? De même qu'elle ne l'avait pas reconnu en le voyant traverser la cour, de même elle ne l'avait pas retrouvé en l'entendant parler. Dans sa voix il y avait une dureté, dans son regard une brutalité, et dans toute sa personne un cynisme qui montrait qu'il n'était pas resté l'homme d'autrefois. Quelles étaient les prétentions de l'homme d'aujourd'hui? Sur quoi les avait-il établies? Car plus elle réfléchissait à leur entrevue, plus elle se confirmait dans l'idée qu'il avait joué une comédie dont les dénouements devaient être l'offre d'une somme d'argent. Accepterait-il celle qu'elle allait lui proposer? C'était un marché, et elle se sentait bien inexpérimentée, bien faible, bien maladroite pour le débattre comme il aurait fallu. Pour la première fois de sa vie, elle allait avoir à discuter une affaire d'argent, et tandis qu'il l'intimiderait de son audace, elle serait paralysée de toutes les manières, par son inexpérience, par sa dignité, par sa tendresse pour sa fille, par le souci de son honneur et de celui de son mari. Était-il condition plus fâcheuse, situation plus terrible? Elle eût voulu n'avoir pas à attendre et que tout de suite ce marché vint en discussion. Mais le lendemain précisément son mari resta à Chambray, et elle dut veiller à ne pas trahir son anxiété et son angoisse. Elle y réussit assez mal, et plus d'une fois elle vit qu'il l'examinait pour lire en elle. « Comme tu es nerveuse, » dit-il à un certain moment. Elle s'en défendit, mais sans le convaincre, ainsi qu'elle en eut bientôt la preuve. « Tu sais que je persiste dans mon idée ?»« Quelle idée ?»« Celle que ton malaise d'avant-hier m'a inspirée. Évidemment, il se passe en toi quelque chose d'insolite. Quoi, je n'en sais rien. Quelle est la cause de ce changement ? Je ne le sais pas non plus. Mais le changement est certain. Tu n'es pas dans ton état ordinaire. Alors, comme je ne vois pas de raison qui l'explique, j'en cherche dans le sens que je désire. Sans doute ce serait une folie de croire, mais ce n'en est pas une d'espérer. La persistance de ton état nerveux est significative. » Après le dîner, ils sortirent en charrette anglaise pour aller à une certaine distance du château, voir des poulains dans une prairie à laquelle on n'accédait que par un mauvais chemin charrois. Comme ils revenaient à la nuit tombante, ils croisèrent Nicétas qui flânait par les rues du village en attendant l'heure d'aller se coucher dans une meule de foin. Cette fois, Ghislaine le vit, et de nouveau le comte le remarqua, son attention étant attirée par la fixité des regards que Nicétas attachait sur lui. « Tu ne sais pas ce qu'est cet individu de mauvaise mine qui rôde dans le pays ? » demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Alors il continua. « Je l'ai déjà vu dimanche à la sortie des Vêpres. Il semble qu'il cherche à nous demander quelque chose. Si par hasard il voulait entrer aux écuries, il faudrait que François prît sur lui des renseignements sérieux. Il a bien vilaine tournure. » Et c'était le père de Claude. Il voulait la prendre près de lui pour qu'elle y trouvât une direction affectueuse dans un milieu digne d'elle. Après un premier moment de honte et d'accablement, cette rencontre lui donna encore plus de force pour la journée du lendemain. À tout prix, il fallait sauver Claude de ce misérable, que le comte ne trouvait même pas bon pour ses écuries. Quand à 3h45, Nicétas, annoncé par le coup de cloche du concierge, entra dans le vestibule, il y trouva Auguste qui était encore de service ce jour-là. « Ah, c'est vous, monsieur ? » dit le valet de pied avec surprise. « Vous voyez, votre maîtresse m'a promis de répondre aujourd'hui à mes questions, et je viens chercher ses réponses. Nous collaborons, c'est beaucoup d'honneur pour moi. Alors vous n'avez qu'à lui demander l'autorisation de visiter le château, elle ne pourra pas vous le refuser. C'est une idée, mais maintenant le château m'intéresse moins. » Il trouva Ghislaine dans le même salon et à la même place que la première fois. cet empressement à me recevoir est d'un heureux augure, dit-il, et j'espère que nous nous entendrons. Vous vous trompez. Ah ? Au moins quant à la condition que vous prétendez m'imposer. Mais il y a deux conditions que je prétends vous imposer. Ou vous prenez Claude, ou je la prends moi-même. Cela est également impossible. C'est vous, madame, qui vous trompez, car si vous pouvez ne pas prendre votre fille, vous ne pouvez pas m'empêcher de la prendre, moi. Ne suis-je pas son père? Et qu'en feriez-vous? Une honnête fille, une fille tendrement aimée. Je ne voudrais pas aborder un sujet blessant pour vous. Oh, ne vous gênez pas, et dans un entretien de l'importance de celui-ci, qui met tant d'intérêts en jeu, l'avenir de votre fille, votre honneur, celui de votre mari, laissez, je vous en prie, toute politesse de côté. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Je voulais dire qu'alors que vous voyez dans Claude une héritière jouissant dès maintenant de ses revenus, vous pouviez penser à la prendre. C'est-à-dire que je spéculais sur ma paternité, n'est-ce pas? Dites-le donc, puisque vous le pensez. Cela n'est pas pour me blesser. En réalité, rien n'est pour me blesser. Malgré la permission qu'il lui en donnait, elle ne voulait pas ne pas se gêner, comme il disait, ni pousser les choses aux extrêmes. Claude en possession de ses revenus, dit-elle, vous pouviez lui donner une existence large en même temps que vous vous la donniez à vous-même. Mais maintenant ce n'est pas le cas. J'admets pour un moment que vous puissiez la prendre, mais je n'admets cela que pour la discussion, car dans la réalité son conseil de famille la défendrait et la justice ne sanctionnerait jamais des droits qui ne reposent sur rien. Que feriez-vous d'elle? Et comment vivrez-vous? Quels avantages matériels retirerez-vous de cette reconnaissance? Claude serait une charge pour vous, non une source de produits. Où voulez-vous en venir? À ceci, que vous pourriez trouver ces avantages précisément à ne pas prendre Claude, à ne pas vous occuper d'elle, à m'abandonner ce soin ainsi qu'à son conseil de famille. Enfin, à la laisser, aussitôt que sa santé le permettra, entrer au couvent où elle recevra une éducation convenable et d'où elle sortira pour se marier. Je ne comprends pas, dit-il en prenant un air étonné, et ne vois pas où seraient ses avantages. Elle avait placé le chèque de Marche et Chabert sous un livre, à portée de sa main. Elle souleva le livre et tirant le chèque, elle le lui tendit. Dans ceci. Il prit le chèque avec un mouvement de joie, presque triomphant. Mais dès qu'il eut jeté les yeux dessus, son visage se contracta. Alors vous me proposez de m'acheter ma fille, dit-il. Vous m'avez offert un marché, je vous en offre un autre. Et vous estimez qu'elle vaut 50 000 francs? Pour une fille du sang des Chambray, convenez que ce n'est pas cher. Je ne parle pas du sang de son père, puisque vous ne le connaissez pas. En ne me recevant pas hier, ce n'est pas votre faute, je le sais. Vous m'avez permis de faire une enquête dans le pays et de connaître ainsi le chiffre précis de la fortune de M. de Chambray. Comment me supposez-vous assez simple pour vendre 50 000 francs, ce qui en vaut 1 500 000? On ne vend que ce qu'on possède, et de ces 1 500 000 francs, vous ne toucherez jamais un centime. C'est à voir, et vous préjugez le résultat d'un procès que vous avez tout intérêt à ne pas laisser engager. Ne l'oubliez pas, et je vous en prie, faites entrer cet intérêt en compte dans vos calculs. Il serait imprudent de le négliger. Aussi ces 50 000 francs sont-ils une vraie dérision. Comment avez-vous pu croire que je les accepterais? Ainsi elle ne s'était pas trompée. Il consentait, comme elle l'avait pressenti, à renoncer à Claude et à la vendre. La contestation maintenant ne portait que sur le prix de cette vente. Quelque dégoût qu'elle en eût, il fallait qu'elle entrât dans un marchandage. Il examinait le chèque. « Votre offre est d'autant moins sérieuse, reprit-il, que ce chèque dit lui-même que, si vous aviez voulu, vous auriez pu me faire une proposition plus convenable. Pour voir d'où proviennent ces 50 000 francs, il n'y a qu'à regarder le chèque. Évidemment, vous ne les avez pas pris sur votre fortune personnelle, et vous ne les avez pas empruntés. Je ne recherche pas pour quelle raison. Je constate simplement qu'il en est ainsi. Voulant m'acheter ma fille, vous avez cherché dans vos vieux bijoux ceux qui avaient cessé de vous plaire, et vous les avez vendus à Marche et Chabert, les bijoutiers de la rue de la Paix, qui vous les ont payés avec ce chèque sur la banque. Voilà leur nom imprimé et leur signature. Eh bien, madame, vous n'en avez pas vendu assez. » Il fit une pause pour jouir de l'effet d'étonnement qu'il avait produit. « Parlons net, reprit-il bientôt, et ayons, l'un et l'autre, une égale franchise. Vous, en ne cherchant pas des phrases échappatoires pour ne pas dire que Claude est votre fille ni qu'elle ne l'est pas, ce à quoi vous êtes parvenu jusqu'à présent, j'en conviens, mais ce qui a dû bien vous gêner. Moi, en vous donnant mon dernier prix, j'avoue que j'avais compté sur le revenu de la fortune de M. de Chambray pour élever ma fille convenablement, et ce revenu me manquant, je comprends que l'enfant ne trouverait pas auprès de moi l'existence que je voulais lui faire. Dans son intérêt donc, il est mieux qu'elle aille au couvent. Mais si je ne la reconnais pas, je renonce par cela même à tous les droits que j'aurai sur la pension que je pourrais lui demander quand elle sera majeure, ou sur son héritage si elle venait à mourir. Et cette renonciation, je l'estime à 300 000 francs. J'accepte ce chèque comme un acompte. Il le mit dans sa poche. Vous m'en devez 250 000, que je vous demande de me verser d'aujourd'hui en 8. Et voulez-vous que je les prenne ? S'écria-t-elle. Ce n'est pas mon affaire. Vendez d'autres bijoux, empruntez. En 8 jours, une femme comme vous peut trouver des millions, et je ne vous demande que 250 000 francs. Mais ces 250 000 francs, j'y tiens, car ils me permettront de me créer une situation digne de ma fille. Ne voulez-vous pas que le père de votre enfant cesse d'être le misérable que vous voyez devant vous ? Comme il pourrait être dangereux que vous me receviez toujours ici, je vous attendrai où vous voudrez, dans une église, chez votre médecin, votre dentiste, votre couturière, tous endroits à souhait pour des rendez-vous. Aimez-vous mieux une gare ? D'aujourd'hui en 8 à 3 heures et demie, gare de l'Est, on y voit peu de Parisiens. Ça ne l'est pas perdue.